Le journal Rodong Simun a inséré le 4 juillet le commentaire titré « La frénésie de confrontation du pantin de la Maison Bleue ». Il a écrit notamment « Le ministre sud-coréen de l'unification Hong Yong-pyeong a fait le rapport de travail du ministère au comité de la diplomatie et de l'unification de l'Assemblée nationale ». Il y a prétendu que le dialogue nord-sud donnera seulement le temps et le prétexte au nord, que proposer le dialogue dans l'actuel contexte ne causera que la dépendance au nord, qu'il faut amener le nord au changement par la sanction pour ensuite procéder à un dialogue plein de sens et que cela est la position du sud. Ces propos sont vraiment absurdes. Extrêmement angoissé par un plus grand essor de notre République malgré la sanction jamais connue, Pakune fait des efforts désespérés pour maintenir la politique envers le Nord vouée à l'échec général et animer la sanction qui perd l'efficacité. Hong Yong-pyeong est à la tête de la défense de la politique de confrontation en suivant l'intention de la maîtresse de la Maison Bleue. Le jour où il prononçait son rapport, les députés des partis d'opposition ont réclamé que le ministère de l'unification est fermé, qu'il faut la renommer « unification de la sanction contre le Nord » et « unification de la pression sur le Nord », ce qui est bien naturel.